Exercice 9, page 96. A. Il bosse. Transformer. Il bosse encore. B. Ils sortent. Transformer. Ils sortent encore. C. Ils dorment. Transformer. Ils dorment encore. D. Ils mentent. Transformer. Ils mentent encore. E. Ils mangent. Transformer. Ils mangent encore. F. Ils rangent. Transformer. Il range encore.